Raymond Poirier, bonjour. Bonjour. T'es avec nous pour la chronique numérique et ce matin, on parle du Raspberry Pi, alors un tout petit ordinateur de poche qui est en train de révolutionner plusieurs usages, notamment dans le domaine de l'éducation. Oui, exactement, Raspberry Pi, un ordinateur qui tient essentiellement dans la paume d'une main. Alors, c'est quelque chose qui commence à prendre de plus en plus de popularité et je profite d'une conférence qui aura lieu cette semaine, en fait demain, mercredi 7 décembre à 11h30 à l'Université Laval, pour partager aux auditeurs cette découverte toute récente, à tout le moins, que moi j'ai faite, mais d'autres l'ont découvert il y a déjà quelques années. C'est le cas, entre autres, de notre invité de ce matin, Christophe Revert, qui est conseiller technopédagogique à la vitrine Technologie Éducation, qui est également membre fondateur du Club France Framboise Québec. Alors, Christophe Revert, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, le Raspberry Pi? Le Raspberry Pi, en fait, est un petit ordinateur de poche qui tient dans la main, dans la paume de la main, vraiment. C'est un ordinateur qui a été conçu en Angleterre dans le but, vraiment, d'aider l'appropriation, en fait, de l'informatique, de la programmation, de l'électronique. En Angleterre, des enfants de 8 à 10 ans l'utilisent à l'école pour créer des projets. Donc, ça permet des expériences pratico-pratiques. Ils envoient, par exemple, des ballons avec des capteurs dans l'atmosphère. Et ces capteurs permettent d'avoir, en fait, l'altitude du ballon, permettent d'avoir la vitesse à laquelle le ballon s'envole. Donc, ça permet d'illustrer des concepts pour des enfants. C'est beaucoup plus amusant, en fait, d'apprendre de cette façon. Donc, c'est vraiment un ordinateur, en fait, qui fonctionne, qui peut servir de tête, de cerveau, si on peut dire, pour des muscles d'un petit système informatique qu'on va créer pour l'occasion. Oui, c'est pas le seul. Les auditeurs ont peut-être déjà entendu parler de Arduino. Donc ça, c'est un autre petit ordinateur qui coûte vraiment pas cher également, qui permet d'utiliser des capteurs, mais qui, lui, n'est pas en fait un ordinateur, mais un microcontrôleur. Un microcontrôleur, c'est comme les muscles en fait qui contrôlent vraiment donc les actionneurs. Donc ça peut être des moteurs, par exemple. Le Raspberry Pi, c'est vraiment un ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a un système d'exploitation. On peut brancher un clavier, on peut brancher une souris, on peut brancher donc un écran et on peut travailler directement de cette façon. Donc on peut capter des données, on peut se connecter sur des réseaux, on peut transférer, échanger ces données avec d'autres ordinateurs ou d'autres équipements. Ça peut se connecter sur le réseau Internet. On peut tweeter et recevoir de l'information par Twitter depuis un Raspberry Pi. On peut faire de l'intelligence artificielle. On peut brancher des webcams. Donc, c'est vraiment, en fait, un ordinateur à part entière, mais de toute petite taille. Et donc, on disait de toute petite taille, ça veut dire aussi que ça permet un prix qui est plus accessible. On parle d'à peu près tout système, là, si on a l'ordinateur, plus les connecteurs nécessaires pour le faire fonctionner ou le faire interagir avec d'autres éléments, c'est à peu près quoi, 70$? À peu près avec une boîte, avec le petit transformateur, avec ce qui lui sert à stocker les informations. Donc, c'est des cartes SD, comme ce que les étudiants mettent dans leur téléphone, par exemple, ou dans leur appareil photo. Oui, c'est à peu près 75$. Donc, mais il y a deux modèles. En fait, il y a le gros modèle, entre guillemets, qui est le Raspberry Pi 3, mais il y a également, en fait, le Pi 0. Le Pi 0, en fait, il est tout petit, mais il est encore plus petit, et lui vaut 7$. Avant les frais d'envoi, donc 7$ canadiens. Donc c'est vraiment très, très, très accessible. Et en fait, pour faire la petite histoire, Christophe Revert, du Raspberry Pi, c'est une initiative qui remonte à 2009 en Angleterre. Et il faut attendre 2012, par contre, pour une commercialisation un peu plus large. C'est exact. C'est en fait Eben, en fait, Tom, qui a eu cette idée. Il travaille en fait pour la société Broadcom. Je précise aussi pour les puristes que le Raspberry Pi n'est pas en fait un ordinateur dit libre dans la mesure où la puce qui le compose, en fait son âme, ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait c'est un produit commercial, par contre il est disponible à prix modique. Son but c'était de renvoyer les gens, pour ceux qui ont connu les années 80, donc à cette période où il était plus facile de s'approprier les interfaces. La particularité du Raspberry Pi, c'est vraiment d'avoir une interface sur laquelle on peut connecter, donc raccorder des connecteurs. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais avec un ordinateur, c'est facile. On prend une webcam, on la branche dans le port USB, on n'a pas à se soucier du format de la prise, et hop, on apparaît, dans la majorité des cas, sur l'écran. Alors que dans les années 80, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, ça nous ramène, le Raspberry Pi, entre autres, nous ramène plus proche, en fait, de la machine, nous aide à comprendre mieux comment les choses qui sont tout autour, les choses numériques qui sont tout autour de nous fonctionnent. Oui, parce qu'en fait, avec les nouvelles interfaces téléphones et autres, on s'éloigne un peu justement du code, de ce qui fait marcher les choses. Alors que, comme vous disiez, dans les années 80, même 90, j'ai l'impression qu'on est obligé de rentrer quelques lignes de code pour accéder au logiciel d'exploitation. Il y avait DOS qui était quand même un petit peu plus complexe, en étant quand même relativement simple. Alors, le Raspberry Pi, est-ce que c'est quelque chose où on dit aux gens, mais il faut que vous ayez déjà une certaine culture informatique, ou au contraire, en fait, parce que vous parliez tout à l'heure d'usage éducatif, mais ça devient une belle porte d'entrée justement pour se réapproprier le code, pour se réapproprier la machine, si on peut dire. C'est justement une très, très belle porte d'entrée. C'est sûr qu'une culture numérique aide toujours dans ce domaine-là. Par contre, c'est absolument pas un prérequis. Je fais beaucoup de sensibilisation auprès donc de cégep, de jeunes, donc que ce soit en fait à la vitrine technologie éducation ou en fait dans le cadre des activités du club framboise. Et ce que, en fait, on se rend compte, c'est que, au-delà de la technologie, ce petit boîtier est un fabuleux prétexte pour collaborer. Ça permet, par exemple, à des étudiants de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'ils ne disposent pas de toute l'expertise technique qu'ils ne peuvent pas réaliser des projets. Ça permet, en fait, à des créatifs de dialoguer, d'échanger avec des gens plus techniques. Et c'est vrai qu'il faut toujours des lignes de code. D'une part, ça s'est largement simplifié. Encore une fois, c'est accessible à des enfants de 8 à 10 ans. Mais d'autre part, ça favorise la collaboration. Donc, par exemple, on va avoir des gens qui vont créer, c'est bien connu, on est au Québec, on a le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil crée des beaux projets. Ils sont connus, reconnus pour ça. On oublie, en fait, la technologie qui est derrière. Le but avec le Raspberry Pi, entre autres, c'est de faire ce genre de projet. Mais pour ça, il faut avoir des gens créatifs, des gens, en fait, en informatique, des gens en électronique, parfois des gens avec de l'expertise en mécanique. Et donc, ça favorise des travaux multidisciplinaires. Ça favorise, en fait, de la collaboration, des échanges entre des individus. Et c'est les relations humaines au-delà de la technologie qui sont intéressantes. Et j'imagine que ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on choisit d'y mettre. On parlait de robots tout à l'heure, de ballons qu'on peut envoyer dans l'espace. Il y a aussi justement des robots qu'on peut contrôler avec le Raspberry Pi, entre autres, à partir de logiciels de départ aussi en termes de programmation. Je pense à Scratch. Donc, c'est d'autres exemples de projets éducatifs qu'on peut faire en famille, là, pratiquement. Oui, c'est vraiment, en fait, plutôt que de faire ça sur l'ordinateur familial dans le salon, c'est préférable, en fait, de faire ces expérimentations sur ce genre d'équipement. Donc, on peut avoir, par exemple, un détecteur de présence qui va prendre des photos. Si vous aimez prendre des photos d'oiseaux, plutôt que de passer des heures à attendre, en fait, que votre oiseau favori apparaisse, vous pouvez mettre, en fait, une webcam, un petit Raspberry Pi, un détecteur de présence qui va activer la webcam et prendre, en fait, les photos lorsque l'oiseau convoité va apparaître. Le même montage peut être utilisé comme système de surveillance. On peut faire des robots plus ou moins compliqués. On peut faire de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance de forme. On peut faire en sorte que le Raspberry Pi reconnaisse les objets. Donc, si on met, par exemple, une webcam sur un petit robot, reconnaisse les objets, en fait, qu'il va croiser. Il y a des logiciels permettant de faire ça. C'est un petit peu plus compliqué, mais si on y met en fait un peu de temps et avec de l'aide, donc le club framboise en fait c'est aussi sa vocation, c'est d'aider les gens qui veulent explorer. Faut avant tout être curieux, faut avoir envie d'explorer, de regarder comment ça fonctionne, tout en sachant qu'on n'est pas seul, donc on peut poser des questions dans des forums ou lors de rencontres en fait, que ce soit à Montréal ou à Québec. Effectivement, en fait, selon le degré d'usage qu'on veut en faire, ben, d'un côté, il y a des éléments peut-être plus simples, comme l'idée, comme vous disiez, de plugger un clavier, de mettre Twitter et autres, et il y a des éléments plus complexes qu'on peut faire, et tout ça, de manière générale, qui fonctionne sur du logiciel libre. Je le rappelle, il y a seulement la puce au centre, donc qui est un objet commercial, mais sinon tout le reste fonctionne en logiciel libre et ouvert, donc ce qui veut dire aussi qu'on peut aller chercher du matériel collaboratif qui coûte essentiellement rien, là. C'est exact. C'est vraiment l'idée, c'est de favoriser l'appropriation. Donc, on peut télécharger, par exemple, des fichiers STL de façon à les imprimer sur une imprimante 3D pour avoir une coque pour son robot. Donc, ça favorise, en fait, la création et pas seulement la réutilisation du code des autres. Ça permet également de faire des échanges, en fait, entre des gens qui vont être plus orientés vers le logiciel et des gens qui vont être orientés plus vers la création manuelle, les robots, les actionneurs, les moteurs. Le logiciel libre, en fait, et le mouvement libre n'est pas seulement associé en fait au logiciel. Faut pas oublier, quand on télécharge des fichiers, quand on crée des petits scripts, de renvoyer l'ascenseur en fait aux gens. Ça, c'est vraiment important. Puis l'idée derrière le Raspberry Pi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le temps que vous allez passer à adapter un petit code qui est ouvert, donc disponible, vous n'êtes probablement pas le seul en fait à avoir ce besoin. Donc pensez en fait à le renvoyer via des outils de collaboration comme GitHub par exemple, pour que d'autres personnes qui auraient le même besoin, sans que vous ayez en fait réinventé la roue ou fait une révolution, mais vous allez faire gagner du temps en fait au prochain utilisateur qui lui va démarrer à partir de votre code, et le temps que vous allez lui faire gagner, il va le passer en fait à pousser votre code un petit peu plus loin. Et donc c'est vraiment ça, entre autres, en fait, un des grands avantages de la communauté des utilisateurs de Raspberry Pi. Et on parle d'une communauté grandissante aussi. On peut mentionner qu'il y a quoi, à peu près 10 millions d'unités vendues mondialement. De votre côté, Christophe Révert, au Québec, vous avez mis en place il y a déjà quelques années le Club Framboise. Est-ce que l'engouement est très régional? Est-ce qu'il y a beaucoup d'usagers au Québec? Il y en a de plus en plus. C'est difficile de savoir combien il y en a. Ce que je peux dire, c'est que le Club Framboise, en fait, je l'ai lancé parce que j'espère ne pas être le seul. Donc, au Québec, il y a un an, pratiquement jour pour jour. Maintenant, il y a 475 personnes qui suivent la page Facebook, donc du Club Framboise. Il y a, en fait, des rencontres qui se font mensuellement à la fois à Montréal. La prochaine, d'ailleurs, en fait, est le 21 décembre, c'est gratuit. Puis pour les gens qui sont à Québec, ça va être diffusé, en ligne sur YouTube, en direct, et c'est également enregistré. On fait des ateliers, c'est relayé aussi à Espace Lab, donc à la bibliothèque Monique Corriveau à Sainte-Foy, où il y a plein de choses qui se passent, et pas seulement en fait sur le Raspberry Pi. Donc là, il y a en fait plusieurs centaines de personnes qui sont intéressées. Le but, c'est vraiment de créer une communauté. Le Québec est assez étendu. Ce serait dommage en fait d'avoir de l'expertise d'une personne à Québec alors qu'elle est toute seule. Donc le but, c'est vraiment de rassembler les gens pour que encore on puisse communiquer, échanger, puis ensemble explorer pour aller plus loin. Et si justement on veut explorer avec vous, je lance l'invitation à aller à votre rencontre, donc demain mercredi 7 décembre 11h30 à l'Université Laval, au pavillon d'optique photonique local 1168, pour une conférence d'introduction justement au Raspberry Pi. Christophe Révert, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très gentil. Au plaisir. Et Raymond Poirier, à mon tour, je te remercie d'avoir mené cette entrevue. On apprend bien des choses sur ce petit ordinateur qui tient littéralement dans la paume d'une main. Raymond Poirier, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir.